Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je vous propose une émission centrée sur l'amour, l'amour, comme dirait l'autre. Alors notre premier morceau sera Sharon Brown et son I Specialize in Love. En 1982, elle signe avec Profil Records, elle sort I Specialize in Love, qui est tout de suite numéro 1 à New York. Elle est sacrée meilleure artiste féminin de l'année. Mais après, elle est écœurée par les manipulations des maisons de production et elle décide de créer elle-même son propre label et sortira un single qui s'appelle Give Love a Chance par la suite. Alors quoi qu'il en soit, I Specialize in Love connaît également un grand succès en Europe, notamment au Royaume-Uni et en France dans les années 80. Ça donnait ça. Enchaîne avec Cool on the Gang et Love, extrait de l'album Open Sesame, paru en 1976. Alors c'est le second des deux albums studio parus cette année-là. Ils étaient très productifs à l'époque. C'est leur huitième album studio et il atteindra la neuvième place des ventes. Ah, il n'est pas très connu, mais je l'aime bien et on est dans le thème, donc je vous laisse découvrir tout ceci. My blues away. Je ne pouvais pas faire cette émission sur l'amour sans diffuser un petit Barry White. Je vous ai sélectionné You're the First, The Last, My Everything, paru en 1974. C'était le premier single de l'album Can't Get Enough, qui sera bien sûr classé numéro 1. C'était en 1974 et ça donnait ça. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Si je vous dis des paroles romantiques, une musique agréable et dansante, vous me dites « Love is in the air ». C'est tout aussi un morceau emblématique du disco et c'est à l'image de la jeunesse insouciante, en quête de sortie, de légèreté et de danse de la fin des années 70. Alors la chanson a été écrite par George Young et Henry Vanda, et elle est devenue rapidement le tube de l'été 77. Le titre Love is in the air, il y a de l'amour dans l'air, est aussi lui devenu un titre international. La chanson est interprétée par John Paul Young. Alors c'est, lui, il symbolise vraiment la jeunesse de l'époque. Hein. On va retrouver la chanson dans plusieurs BO de films, dont Ballroom Dancing. Il faut savoir aussi que la chanson elle a été jouée lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Et c'est John Paul Young lui-même qui interprétait le titre. Plus étonnant, Love is in the air est régulièrement chanté lors des matchs de football par des supporters de l'équipe de Dundee United en Écosse. Étonnant, non ? Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Petit détour par Prince maintenant. The Most Beautiful Girl in the World est une chanson de Prince, issue de l'album The Gold Experience, mais elle a d'abord été publiée sur un maxi The Beautiful Experience. Le single va se classer numéro 1 dans plusieurs pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Alors, il y a un petit couac sur cette chanson. Il y a un long procès civil qui a opposé Prince au batteur et compositeur Bruno Bergonzi et au musicien et chanteur Michele Vincino. À l'issue du procès, la chanson « The Most Beautiful Girl in the World » de Prince a été jugée comme identique à « Taking Me to Paradise » écrite par les deux derniers, et enregistré par Reinhard G en 1983. Moi, je ne la connais pas du tout, cette chanson. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Prince, il a été condamné définitivement pour plagiat, ou pas bien, par arrêt de la Cour de cassation de Rome en mai 2015. La Cour a établi que des droits d'auteur devaient être versés à Bergomi et Vincino, et leur a même accordé des dommages moraux. Bon, voilà, ça c'est pas terrible, mais bon, c'est quand même une belle chanson. On va oublier tout ceci, on va écouter le morceau, et on va le dédicacer à qui ? À toutes tes beautiful girls que l'on connaît. Welcome to the dawn. You have just accessed the beautiful experience. This experience will cover courtship, sex, commitment, fetishes, loneliness, vindication, love, and hate. Please enjoy your experience. Stop! Il nous reste encore un petit moment à passer ensemble. Je vais vous diffuser un dernier morceau. J'ai choisi Delegation et son fameux Darling. Darling, ben, c'est un petit mot qu'on donne à nos chers et tendres. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne fête de Saint-Valentin par avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.